sur vous. Ici, vous m'appartenez, et si j'en ai envie, je peux vous renverser, vous serez recyclé, écrabouillé. En tout cas, quand vous mangez, ça sent rien du tout. Comment faites-vous pour entrer à l'intérieur? En tout cas, quand vous mangez, ça sent rien du tout. Comment faites-vous? Radio José.